Salut tout le monde, petit disclaimer avant de commencer l'émission. Alors on a beaucoup hésité en fait à la poster, celle-là. L'émission a été enregistrée dans des conditions un petit peu particulières. C'était la première fois que toute l'équipe de Verfor Player se réunissait. On était tous très très émus et le présentateur notamment était complètement ému, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voulez entendre des débats constructifs, bien construits, passez votre chemin et puis on va se dire à dans 2 semaines. Après, si vous voulez passer un petit moment avec nous à rigoler et à pas se prendre au sérieux, vous êtes les bienvenus. Ouais, et puis en plus de ça, le son est vraiment dégueulasse, hein, je vous préviens tout de suite. Donc si vous êtes encore là, si vous voulez poursuivre l'aventure, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 24e émission des podcasts de VR for Player, et on va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve tous autour d'un VR, et un vrai VR, du coup, parce que à ma gauche, j'ai le sympathique Sébastien. Salut Seb. Salut Sei. Et enfin, en face de moi, j'ai, avec sa grosse barbe, le beau, le magnifique Cyril. Salut Cyril. Je t'aime. Salut Sei. À ma droite, j'ai Laurent. Salut Laurent. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Moi ça va toujours. Et enfin, j'ai le gentil Spunky Funk. Salut Spunks. Salut, ça va? Ça va plutôt bien. Et donc, on est franchement autour d'un VR et c'est une émission particulière pour nous. Et donc, du coup, on va parler un petit peu de... Enfin, c'est la première fois en tout cas qu'on se rencontre... Physiquement. Physiquement, exactement. Et ça a été la bonne occasion justement de tester pas mal d'expériences PC, notamment chez l'ami Spunks et chez moi-même. Et donc, on a eu l'occasion de tester pas mal d'expériences sur PC, et notamment le gentil Seb. Et donc, du coup, tu as testé Seeking Dawn. Ce qui saute aux yeux, c'est la différence de netteté. Quand on est habitué au PlayStation VR et qu'on passe... Alors là, pour le coup, c'était un Windows Mixed Reality de HP. Et pas de flou, pas d'aliasing, tu vois au loin, ça fait pas des bouillies de pixels. Super beau, quoi. Ouais. Et puis, après, t'as le jeu aussi qui est bien fait, hein, ça, c'est sûr. Mais déjà, ça change et tu te dis, vivement la PS5 et PSVR 2, quoi, ça... C'est une belle vitrine, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est là que tu te rends compte un peu que de l'écart qui s'est creusé depuis 2016 à aujourd'hui, quand en VR, en fait, ça va très vite. Mmh. Et là, du coup, je vais être frustré quand je vais retourner sur mon PSVR. Je vais être encore plus impatient. T'avais jamais testé la VR sur PC, alors du coup, c'est la première fois. C'est la première fois que je teste la VR sur PC, ouais. Et puis, du coup, j'ai même pu essayer chez Spunks le Rift S, donc l'Oculus Rift S. Et c'est encore différent, parce que oui, j'ai pas précisé aussi sur le Windows Mixed Reality, il y a l'effet de gris qui est assez présent quand même, qu'on ressent bien. Il est assez étroit aussi, en termes de, au niveau du fond, de fauve, ouais, du field of view. Et là, du coup, le Rift S est plus large. Par contre, il y a quand même, j'étais surpris, un effet de grille. Et les deux casques, au final, sont assez lourds par rapport au PSVR. Ouais. Je trouve qu'ils sont un peu plus lourds aussi. Il y a un problème de confort, en fait, par rapport au casque PSVR, justement, qui te cale plus vers le haut du front. Et ouais. Tous les casques que tu as pu essayer, en fait, cet après-midi, et plus vers le milieu du front, et du coup c'est pas bon, quoi. C'est ça, puis en plus le système d'attache aussi était différent. Enfin, c'était le même pour les trois, mais c'était différent du PlayStation VR. C'est que on n'a qu'une molette, ça dévisse en fait, ça va ouvrir le casque et on va revisser pour resserrer le casque. Il y a pas un bouton où on peut tirer pour le mettre sur sa tête. Et au premier abord, ça m'a fait bizarre, ça aussi. Mais bon, ça fonctionne très bien aussi comme ça. Okay. Et qu'est-ce que t'en as pensé, Cyril? T'as essayé quoi cet après-midi? Seeking Dawn. Dawn. Non, on l'a tous fait, je pense. Ouais. Oui, on l'a tous fait. Donc, et comment dire. Oui, c'est joli, mais après, faut pas oublier que ce jeu, comme vous l'avez dit, c'est quand même une vitrine entre guillemets. Parce que j'ai essayé Fallout. Honnêtement, c'était moins beau. Moins impressionnant. Donc, je pense qu'en fonction des jeux, et du traitement qui leur a été apporté, il y a une grosse variation. Donc là vous nous avez mis un peu la crème quand même. C'est clair. Donc automatiquement, ouais. On prend une claque, même si les casques essayés ont une résolution supérieure en termes de dalle. Mmh. Suivant le jeu, on voit, perso, hein, je trouve que l'écart est pas si important que ça, suivant le jeu, bien entendu, parce que là, sur le titre dont on parle, effectivement, quand... au début, la première fois que j'ai vu le jeu, c'était Sébastien qui jouait. Quand je l'ai vu s'extasier dans sa caverne en train de faire waouh, et t'as vu ce brin de lumière comme il est beau et tout, c'est voilà. C'est net. Bon, écoute, quand j'y suis allé, j'avais pas la même appréhension, mais bon. Parce que voilà, t'avais déjà goûté un autre casque toi aussi. J'ai il faut le dire. Casque. Fais gaffe à ce que tu dis. J'avais déjà goûté un autre casque. Ouais. Non, voilà. Bon, enfin, tout ça pour dire que ce sont des le Quest, de beaux casques, de belles machines avec une belle puissance derrière, et puis ça donne fin de nouvelles générations. D'accord. Ouais. Et Laurent, toi, t'as pris une claque sur Hellblade. Ah ouais. Le fameux aussi. Hellblade. Alors. Dont on entend parler depuis tant d'années. On a essayé le Vive Pro, on a essayé le HP. Je pense qu'on a essayé à peu près tous les casques qui existaient, voilà. depuis le début. Quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il n'y a pas les mêmes cartes graphiques, donc il y a plus de puissance. C'est beaucoup plus net, donc c'est vrai que par rapport moi, ce qui m'a le truc qui m'a le plus frappé, c'est la netteté par rapport au PSVR, où on dit c'est flou, plus que la résolution en fait. Voilà, plus que la résolution, c'est peut-être lié aussi. Et puis non, alors j'ai été sur le Vive Pro, sur Arizona Sunshine, c'était pas si marquant que ça. Moque de moi. Donc sur Arizona, c'était plus net, mais bon, le jeu était pas non plus à casser, était pas exceptionnel. Mais par contre sur des jeux comme Hellblade, là c'était notamment la partie où c'est que tu es en miniature, donc où c'est que le personnage s'affiche en vue à la troisième personne, là c'est super beau. Je suis resté sur le coup. On est d'accord qu'avec Hellblade, en fait, c'est la preuve qu'en fait les TPS sont capables d'être transposés en VR. Ah bah, de tout à fait. N'importe quel. Ça, c'est un truc qu'on dit depuis super longtemps. Ouais. Quand on avait balancé Uncharted, ça pourrait passer directement. On revient sur des VR, jeux comme Theseus qui étaient des prémices d'expérience. Alors, certes, c'était très court. Mais déjà, on montrait un personnage à la troisième personne. Et là, quand Theseus était sorti, il y avait plein de gens qui disaient « la VR, c'est pas ça. La VR, c'est un FPS. C'est obligatoirement la première personne. Il faut vivre le truc. » Et en fait, la VR, c'est pas du tout ça. Il y a plein de façons de rendre un jeu. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'au final, ça marche super bien. Et d'ailleurs, quand on regarde les jeux les plus aimés, au final, il y a de l'Astrobot et il y a du Moss, qui ne sont pas du tout des jeux à la première personne. Ouais, carrément. Ouais. Et ça marche. Mais ça marche super bien. Et c'est super beau. Et c'est vrai que... Et plus pour la PS5. Pour les joueurs PSVR, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les cartes graphiques qui sont super connues aujourd'hui, donc les 1080 Ti, les 2070, des cartes qui ont des bonnes configurations aujourd'hui, dans un an, donc quand la PS5 arrivera, la PS5 va se situer entre la 2070 et la 1080 Ti. Ça va être dans ces eaux-là. On le sait à peu près, AMD ont commencé à... Donc on aura ça. Alors bien sûr, sur PC, on aura des choses bien supérieures après. Mais donc les jeux PC aujourd'hui, c'est une première vision de ce qu'on aura sur PS5. Dans le futur. Voilà. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, il est temps. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, il y a un fossé qui s'est creusé entre le PC et le casque VR, et c'est maintenant qu'il faut que ça arrive, quoi. D'accord. Et toi, Smanx, ta première immersion dans le monde du PC VR? Même si t'es à fond de trompette. Moi, ça fait un moment que je suis dans le monde du PC VR. Ah, mais t'as pu tester le Vive Pro. Ouais, j'ai testé le Vive Pro, mais... La question qui se pose avec toi, c'est est-ce que tu joues encore à ton PSVR alors que tu as une config de malade? Finalement. Franchement, beaucoup plus difficilement, effectivement. Franchement, oui, mais de temps en temps. Pour les exclus PSVR, qui sont quand même magnifiques. Blue Dantrous. Ouais, c'est, je sais que ça te fait rigoler mon accent. Blood. J'ai rien à dire. Il y a Maître Capello avec nous. Là, voilà, par exemple, ou Astrobot, c'est des jeux que tu joues sur PSVR. Après, sur PCVR, effectivement, j'ai pris No Man's Sky, moi, plus sur PCVR, et j'en suis bien satisfait. Je pense plus voilà, que vous qui avez une version floue, bah, moi, effectivement. Vous autres petit. petit peuple. Et je pense que oui, maintenant, il y a quand même un niveau au-dessus, enfin, sur PC, effectivement. Et, ça fait plaisir parce que pendant longtemps, j'ai cru que ça venait de ma vue. C'est vrai que t'es vieux en même temps. Non, mais c'est pas que ça. En fait, c'est juste que voilà, c'est une question de résolution qui sont de base. Et voilà. Simplement. Alors, une question de résolution de dalle. Je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Je t'embête, cher Sébastien. Je suis vexé. Ok, ensuite on a eu la chance cet après-midi, parce qu'on est tous rassemblés, toute l'équipe de VR4 Player est rassemblée pour la première fois. En tout cas, on fait un petit bisou à Steph quand même. Ah ouais, Steph qui est pas avec nous malheureusement. Qui nous prépare des bonnes chocolatines. Voilà, des bonnes chocolatines. Des bons pains au chocolat, s'il te plaît. Non, chocolatines. Chocolatine. Pain au chocolat. Il n'y a pas, il y a même pas de débat. Chocolatine. Pain au chocolat. Voilà. Donc on est tous presque, en tout cas, rassemblés et on a eu le plaisir d'essayer Escape Game, qui est sur Bourgoin. Et donc, Sébastien, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Et bien donc c'est Escape Game et c'est une salle en fait où on va avoir différentes sortes d'escape game. En fait on va avoir deux choses qu'on va pouvoir faire en VR et deux autres choses, c'est ça, hein, il y a deux choses de chaque je crois, ouais, deux autres choses qu'on peut faire en non VR et donc bah forcément nous on a fait les parties VR et en partie VR donc on va avoir une expérience qui s'appelle Nautilus. Et qui est donc de la coopération, parce que l'escape game, de toute façon, c'est toujours le dernier secret du capitaine. Le dernier secret du capitaine, tout à fait. Et en fait, on doit essayer un peu d'avancer, quoi, de trouver un peu quoi faire dans chaque pièce. On va pas spoiler, mais... Non, mais ça, c'est le principe de l'escape game, de toute façon. Sauf que là, on est en réalité virtuelle, donc dans un monde futuriste et... imaginaire. Imaginaire. Alors qu'un escape game standard, il va y avoir des décors qui vont être travaillés exprès pour former un thème. Et puis voilà, là on va essayer réellement de toucher les objets et tout ça, et de s'en sortir. Ouais, c'est deux expériences. C'était un bon travail de coop, c'était sympa. On a pu tous jouer ensemble, c'était chouette. C'était plu ? Ouais, c'était marrant. Ouais. Et puis on a pu tester le Vive Pro pour le coup, encore en plus, avec les manettes qui vont avec. Et c'était sympa. En fait, ça dure 45 minutes, je crois, celui-là. C'est ça. Et on a 45 minutes pour réussir à finir l'expérience. Si on met moins, c'est que c'est bizarre. D'ailleurs. C'est qu'on est bon. C'est qu'on est bon, oui, tout à fait. C'est qu'on est très bon. Si on met plus, c'est qu'on a perdu. Donc on peut battre, mais on ne peut pas jouer plus. Non. On a mis combien du coup 32 minutes. Non, c'est ça. Je crois qu'on a mis 1h32. Mais on a réussi. La deuxième expérience est un peu différente, par contre, parce que là, on va se retrouver sur Arizona Sunshine, que vous connaissez bien sur PlayStation VR. Et là, on se retrouve en mode horde, à 4. On doit essayer d'éradiquer un peu tous les zombies qui s'approchent de nous. Quoi. Il y a une possibilité aussi de jouer dans le mode scénario à deux joueurs, il me semble. Ouais. Mmh. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas fait. Et c'est ça. De 2 à 4. Ouais. Ouais. Voilà, il y a un truc aussi qui était cool, c'est que les casques HTC Vive, je les trouve pas du tout confortables, hein, je préfère mon Rift S, je vous le cache pas. Ouais. Mais toi, t'as des actions chez Oculus, donc normal. Oui, moi j'ai des actions. Ouais, t'es pas objectif. Ça, au passage, dis-leur de nous donner notre page. Non, il n'y a pas d'argent pour la modération, c'est juste pour la VR. Non. Voilà. Et par contre, on avait des nouveaux capteurs sans fil pour les HTC Vive. Wi-Fi. Et voilà, Wi-Fi. Et ça, c'était chouette. Aucun fil. Et du coup, on était chacun dans notre petite salle. Et c'était vraiment cool tout ça. Enfin, faut préciser qu'on était tous dans la même salle, mais c'était un peu séparé. Voilà, compartimenté. Compartimenté, voilà. Et il y a des rideaux, du coup. Voilà. Mais il y avait une petite zone de RuneScape sans fil et ça ne mêlait pas les pinceaux. On pouvait se tourner dans tous les sens. Donc c'est super appréciable. Franchement, moi, c'est ma première expérience d'air sans fil. J'ai pas testé le Quest. Rien que le fait, en fait, de ne pas justement avoir le fil autour du cou et puis devoir se retourner et puis devoir péter le câble, c'est quand même super appréciable. Ah oui, oui. Et puis, super confort. Ouais. Lui-même, tu peux courir en fait tout le long de la salle et puis ça fonctionne super bien. Mm. Bah t'as une indication dans le casque en fait, mais en jeu, de toute façon ça te fait un trait bleu qui t'indique si tu t'approches trop du bord. C'est vrai que ça. Elle apparaît quand tu t'approches. Nous sur PSVR, on n'est pas habitué à ça quoi. Par contre avec le Quest, il y a toujours ce Guardian là qui apparaît, donc ça devient ça va rentrer dans les mœurs. Ouais. En tout cas, très bien. Bonne expérience pour tout le monde. Bonne expérience, mais honnêtement, le PSVR est quand même plus confortable que le. Ouais. Que le et on ressent moins la grille. On ressent moins la grille et est plus confortable. C'est un petit peu chaud. Moi, personnellement, j'ai. Ouais. Moi, pour le coup, c'était les contrôleurs là. C'était une catastrophe. Je crois qu'ils s'appellent les Wands, les contrôleurs. Ah ouais, je sais pas. Alors, honnêtement, c'est nul. Les contrôleurs super lourds. Ils sont énormes. Pas ergonomique du tout. Ils étaient lourds parce qu'il y avait une protection. Voilà, c'est ça. Mais ils sont quand même. Non, la protection en silicone ne. Enfin, ça pèse rien. Il m'a fait peser l'un et l'autre, et Laurent aussi, et il y a une différence, hein, vraiment. Il y a une différence. Ouais, t'as une différence, mais t'as pas une différence énorme sur la taille. En tout cas, c'est des trucs. Non, pas sur la taille, mais non, pas sur la taille, mais là, on parle du poids. C'est pas la taille. Ouais, par contre, pour l'ergonomie, zéro, quoi, parce que faut avoir, je trouve, des grandes mains, moi qui ai des doigts de fée, mais l'appréhension, elle était pas bonne, quoi, du tout. Du tout, je préférais mes moves, même s'ils sont nuls. Et puis moi l'autre truc qui me gave un peu, c'est que quand on vend un casque assez cher, qu'on oblige les joueurs à avoir ce qui me gonfle sur le Vive Pro, c'est ça, c'est d'obliger les joueurs à avoir un casque intégré, alors qu'à la limite ça pourrait apparaître en option. Casque audio. Je parle de casque audio. Les écouteurs audio sont intégrés au Vive Pro et au final ils pourraient facilement descendre le prix pour en vendre plus. Et puis la plupart des joueurs ont tous un casque audio. Et le vendre, ceux qui en ont besoin, ils rachètent l'option. Mais le vendre d'office, ça augmente le prix pour rien. Ça me gave un peu. C'est pas génial en plus. Bon, ouais. Globalement, quand même, on va rester un petit peu optimiste. Et puis on va se dire que c'était quand même une bonne expérience. Ah oui. En tout cas, communautaire. Mm. Et que c'était quand même un bon délire un petit peu quand même. L'expérience en elle-même était vraiment sympa. C'était d'excellent game, quoi. Enfin, c'était des énigmes. Le Nautilus, globalement, franchement, on est tous on a réussi à trouver grâce à ce bon Sébastien. Moi, quand j'ai essayé de jouer avec lui, c'était plutôt cool. Et puis voilà, on s'est bien marré. Ouais, du coup, c'était. On a fait des chiffonniers et tout. Et blablabli, blablabla. Ça marche trop bien, chiffonniers. D'ailleurs, on vous préparera une petite vidéo dans pas longtemps. Ouais, carrément. Tu nous as filmé en train de jouer au Shifumi. Oh, super. Même tu nous as filmé IRL, et ça, c'est pas cool. Parce que tu nous as pas prévenu. Et donc, ça, c'est pas bien. C'est des images volées en exclusivité. Horrible. Horrible. Bon. Le droit à l'image, alors, hein, on en parle. Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ensuite, nous avons quoi, d'ailleurs? Ensuite, nous avons les questions en fait des nouveaux forumers, parce que oui, certes, on s'est fait têche de Facebook. C'est un petit peu dégueulasse. C'est pas de la faute de Mark Zuckerberg. Oui, c'est sa faute. C'est un petit peu sa faute quand même. Hein. Je suis désolé. Hein. Il a pas de quoi payer les modérateurs. C'est lui. C'est lui qui a appuyé sur le bouton. Mais certes, certes. VR4Player. Parce qu'il nous aime pas. VR4Player, tel un phénix, ouais, a réussi à renaître de ses cendres. Et donc du coup a créé un forum. Et sur ce forum, vous auriez pu poser vos questions pour ce soir. Et donc du coup, le gentil Yatai a posé ses premières questions. Qui sont, Laurent, je te prie. Mais une petite parenthèse, il n'est pas trop tard pour rejoindre le forum. Et oui, bien sûr. Sur le site VRPlayer. Et vous pouvez créer des discussions ou en rejoindre et discuter avec nous. C'est toujours sympa. Avec gros plaisir. Alors moi, je veux juste dire que Yatai, c'est quoi ces questions de fou que tu nous poses? C'est des questions pas évidentes. Donc, il me semble que tu parlais du contrôle de tes questions. Donc, ça portait sur le contrôle qualité chez Sony. Et je pense la validation des jeux pour que ils viennent sur le store. Bah c'est de la merde. Ouais, c'est ce contrôle. Merde. Alors oui, pour moi, le contrôle il est bizarre parce que donc ils imposent une certaine fluidité, donc du 60 fps, mais à côté de ça, le jeu, je pense qu'ils le testent pas très longtemps parce que bon, on a vu dans pas mal de jeux qu'il y avait pas mal de bugs. Donc c'est clair que c'est une question assez intéressant. Intéressant, en tout cas, toi, c'est très intéressant. Il faudrait poser un interne de Sony. Même un interne de Sony, je suis pas sûr qu'il trouverait la réponse. Ouais. Parce que qu'est-ce qui justifie que, par exemple, un X-Tunnel passe et que d'autres jeux se fassent rebooter comme... Squeezie, ouais, comme par exemple, comment il s'appelait le jeu cinéma qu'il y a sur Steam J'ai bouffé le nom. Ouais, vous avez 2 heures. Je sais pas. Tac, tac, tac. Je te coupe. Je m'en rappelle plus. Ah merde, j'ai bouffé le nom, celui-là. Tu coupes le nom. Il est pas passé, celui-là. Alors, des fois, on sait pas. Voilà, il y a des choses qui passent pas et on sait pas pourquoi. Parce qu'elles sont meilleures qualité. Et puis, on les oublie. Et puis, on les oublie, en fait. Ouais, ouais. Donc, t'as des annonces, on les oublie. Et puis, bonne question. Comment justifier qu'un jeu passe au niveau du service qualité de Sony, alors que d'autres ne passent pas? On a vu passer des X-Tunnels, on a vu passer... il y a eu beaucoup de petites expériences un peu douteuses. Il y a eu Lunar Stone, pour faire plaisir à ça. Lunar Stone. Merci. qu'est-ce qu'on a eu aussi comme trucs improbables qui sont arrivés? Et inversement, on a aussi des studios qui parlent de jeux qui ne sont pas acceptés. Donc, à mon avis, c'est en fonction de la période. Certainement, s'il y a une période où il y a peu de jeux, et bien, il y en a qui vont peut-être passer dans les mailles du filet, alors qu'il y a des périodes qui sont très riches, et à ce moment-là, ben, il y a personne qui passera. Mais tu as des choses, en fait, tu as un problème de contrôle qualité technique. Je veux bien comprendre en fait, qu'il y a des jeux qui soient trop gourmands justement pour passer en 60 fps. Mais par contre, au-delà de ça, en fait, t'as des jeux qui ne sont pas finis comme Lunar Stone. C'est ça. J'en parle encore. Je pense que... Parce que... Yatae voulait dire que... C'est sûr qu'il y a des... Le problème, c'est que pour Sony, il faut faire les 60 FPS. Mais c'est pas une fin en soi. Mais je suis d'accord, ouais. C'est pas une fin en soi. Non, t'as un contrôle qui était justement sur le déroulé un petit peu du jeu, qui est pas bon, quoi. Ben oui. Ah, mais là, le truc, on peut en parler, même sur No Man's Sky. Il y a un contrôle qualité, voilà, donc le jeu, il est super cool, 60 FPS, il est super cool à côté. Est-ce que Sony doit juger que le jeu est trop flou pour qu'il soit pas accepté sur le truc? Surtout un jeu de l'envergure de No Man's Sky. Mais c'est un exemple. C'est là. Obduction, qui devait arriver, qui n'arrivait plus. Après, il est revenu. Après, il est sorti. Au final, il est sorti. Il a fait quoi même sur le PlayStation Store, ils l'ont caché parce qu'ils l'ont même pas annoncé. Ils l'ont parce qu'au final, quoi, le jeu était flou. Le framerate, certes, il devait respecter le 60 FPS, mais il n'était pas terrible en fait. Et c'est là où on se dit, un petit jeu à la base qui va passer les 60 FPS, et ben bon, bah, c'est bon. Il est pas bon, mais il fait. Elle est où la limite? Est-ce que on choisit? Est-ce qu'on fait passer n'importe quel jeu sous prétexte qu'il a le nombre de FPS suffisant? Ou est-ce qu'on dit, ben celui-là il est pas très bon, même s'il respecte le truc, et on le vire? Ah, mais c'est ça. Moi je pense que un jeu comme No Man's Sky, franchement c'était difficile de le refuser. Hein. Donc je vois pas comment il a pas pu passer le contrôle de qualité. Ah oui. Oui, mais ex-tunnel. Ex-tunnel, ouais, mais à l'époque. Ou autre, hein, il y en a plein. Bon, à l'époque de ex-tunnel, c'était une période où il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Ben, voilà. Ils ont accepté peut-être. C'était des périodes creuses et il laisse passer peut-être des choses plus facilement qu'à d'autres. C'était le début de la VR, au bout de quelques mois. Ex-tunnel, c'est pas le début. Toi, tu voulais parler de Big Screen tout à l'heure. Big Screen, non, c'est pas ça alors. Ex-tunnel, c'était l'année passée, non? Il est vieux. Oh, il a au moins 2 ans. Il est 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et tu parlais de Big Screen, je pense, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Qui doit au final venir quand même sur PSVR. Mais. Non, c'est dans 5 ans. Et les problèmes de prix aussi. On en parle. Alors, les prix, c'est un autre problème. Ouais, c'est un autre problème. Parce que quand on voit le. C'était quoi? C'est Spice and Wolf? Spice and Wolf. Ouf. 40 balles. 40 balles. 46. Non. Euros? Ouais, non. 46 euros, Space and Wolf. Ouais, non. Mais non, ils ont augmenté balles. Alors. Il faut préciser qu'il y a 25 minutes de gameplay, non, 22, je sais plus. Non, enfin, c'est 20 minutes de non-gameplay. 20 minutes de non-gameplay et 20. Non, t'as que 20 minutes de non-gameplay. Non, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Donc voilà, pour 46 euros, t'as 20 minutes de non-gameplay. 46 euros. Oui, c'était 40 balles, hein, quand même. Bon, et là ça dérange personne. Bah, mais est-ce que c'était le prix de base que les développeurs voulaient? Ouais, parce que on sait pas, au final. Ouais, t'as les bêtises. De toute façon, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. Les développeurs pensaient pas du tout qu'ils sortiraient à ce prix-là. Boum, ils sont sortis à 5 euros de plus. C'est vrai. Et des fois, même les développeurs sont pas au courant forcément que leur jeu est sorti. Voilà, c'est arrivé aussi. Et des fois, Sony sont au courant que c'est pas le bon prix, mais je ne sais pas pourquoi ça met du temps à changer le prix quand tout même. C'est très long, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'une expérience de 20 minutes vendue 40 balles, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Et puis le problème, c'est quand ça sort, c'est pas bon pour le PSVR. Donc, ça devrait. Merde, on s'est trompé, on l'enlève et on le republie une semaine plus tard. Il faudrait corriger ce genre de choses-là sur une semaine. Pas une semaine. Pas plus. Il est toujours à ce prix-là. Mm. Je vais vérifier. C'est pareil, Medusa and Her Lover, il est vendu quoi, 20. Je sais plus. 23, 25, je sais plus, un truc comme ça, euros. Et il dure 40 minutes, je crois, pareil. Mm. Ça fait cher la minute encore aussi. Quoi qu'il en soit, nous sommes pas les décideurs. Ouais. Et apparemment, celui qui le fait, le sait pas non plus. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des problèmes que sur les jeux VR, en fait, de prix, parce que je crois, j'ai pas connaissance de problèmes. Pas autant, des problèmes de prix, il y a aussi des problèmes de date de sortie. Les jeux sont censés sortir, il y a une date qui est annoncée, puis le jour même, il n'est pas là. Et ça, sur les petits jeux VR, c'est arrivé sur pas mal de petits jeux. Hein. Ouais. Après, il y a les questions des royalties, il y a beaucoup de choses. Ouais. Quoi. Je pense que tout le monde. Il n'y a pas que Sony non plus. Hein. Je pense que d'un côté, le studio, il désire un tarif. Sans compter les royalties, et puis de l'autre, et bien Sony. Il y a un manque de communication de part et d'autre aussi. Quoi. Voilà. Ah, non, je voulais juste préciser, donc Spice and Wolf, il est à 38,99 pour 20 minutes, 20 minutes d'utilisation. Donc c'est un exemple parmi d'autres, on en a déjà parlé. Et puis voilà, quoi, c'est. Comment ça se fait qu'un jeu comme ça passe le contrôle qualité? que le prix passe. Même s'il y a une erreur de prix, là ça fait maintenant combien? Ça fait 2-3 semaines qu'il est sorti, le prix n'a pas vraiment bougé. Enfin, contrôle qualité, ouais. Tu l'as fait, essaye le jeu. Donc c'est vrai qu'il y a... Enfin, l'expérience, elle est quand même bonne. C'est vrai qu'il y a des petites incohérences. L'expérience est bonne. Et le joueur, il est sans appel. Il y a des moments où il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un peu le why, c'est pas normal. Bon, des fois, ils rectifient le prix dans la semaine. Je pense, c'était pas pour Rocket Fury où il y avait eu ce cas-là. D'ailleurs, qui est dans l'actualité de cette semaine, enfin, la semaine passée, avec la mise à jour qui est quand même assez dantesque. Puisque Sébastien, c'est une version 2 du jeu, on va dire, dans la mesure où il incorpore le mode multi tant attendu qui était disponible déjà sur Quest. Et surtout des environnements différents qui apportent un surplus d'immersion. Donc c'est vraiment une grosse mise à jour gratuite. Ouais. Et au lancement du jeu, il était excessivement cher également. Et c'était une erreur de la part de Sony qui a été rectifiée. Par contre, ça a quand même plombé, je pense, la sortie du jeu quand même. Pendant la marche arrière est pas rapidement enclenchée, ça peut plomber le lancement du titre et le couler, quoi, tout simplement. Ah, et c'est dommage parce que c'est un jeu qui a un gros potentiel et... Tu dis ça parce que tu m'as battu en fait. Bah, le jeu prend de l'intérêt, à partir du moment où je te bats, il devient plus intéressant, c'est vrai. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce fameux duel coop qu'on a fait sur la chaîne YouTube, et également le test qui est présent sur le site. Voilà. Qui a été mis à jour en fonction du coup de la mage aussi. Ouais. Et ce qu'il faut préciser sur les tarifs, c'est qu'on a déjà vu des développeurs qui nous ont dit, en fait, le développeur fait son jeu. Au moment où il prépare son jeu, il va fixer son prix pour lui. À ce moment-là, il va rajouter les 30% qui seront pris par Sony. Et le souci, c'est qu'il rajoute ces 30%, mais il ne prend pas en cause les TVA des différents pays. Et donc, il arrive que quand le jeu arrive sur le store, en fonction des pays, il va y avoir 20% supplémentaires, et ça, les développeurs ne l'ont pas forcément, parce qu'ils sont des fois américains, donc ils ont pas forcément pris en compte qu'ils allaient se prendre encore 20% de TVA, mais en fonction des pays, des TVA différentes, et c'est à ce moment-là où ils ont par exemple annoncé un prix de 14 euros pour un jeu, et puis on se retrouve avec des 28 ou des 30 euros de jeu, et les développeurs, eux, ils disent, mais j'ai jamais dit ça, moi je voulais être à 14 euros. Donc des fois, il y a des petites surprises dans ce cas-là, on en a déjà eu. Il y a souvent des prix qui sont faux, qui sont corrigés par la suite. Et puis après, il y a des trucs un peu fous, comme tout à l'heure, ce qu'on parlait tout à l'heure, les Space and Wolf, où on arrive à des prix à voisinant 40 euros pour 20 minutes d'expérience. Donc, malheureusement, on n'a pas les réponses. Non, on n'a pas les réponses. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi. Ouais, voilà. Donc, comme on dit, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Toi, c'est un petit bout foireux, ça. Papa. Merci. Ouais. Donc, c'est ça. Je suis. Ouais. C'est qui? C'est Joey qui chante? Ah, ouais. Fais-le avec la voix de Joey, c'est Joey. Ouais, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Joey qui est souvent la Paris Game Week. Week, c'est vrai. Il est à l'ombre, hein. Ouais, Week. Carrément, non? Ouais, Paris Game Week. Joey Stark. Ah, mais Joey Stark! Parfois des trucs sans mettre. C'est mon pote, On a fait un bravo team avec Joey. Joey Stark, ouais, ok. Là, il l'a démonté, mais... Non, mais... c'est un gentil, c'est un gentil. Ouais, c'est vrai, c'est toi qui l'avais croisé, Laurent, moi, j'ai trouvé cool. À la PGW. Mais non, mais je veux dire, c'est un ancien, lui. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement de gens qui sont... Il y a tellement de gens qui paraissent très très sympas, et quand tu les croises, ils vont te chier dessus. Ben, Joey Stark, il est venu. Je l'ai croisé... Il s'est arrêté, il m'a parlé et il m'a pas pris de haut, quoi. Car bien donné. C'est ça. Donc franchement, non, il est pas idéal, non. Il a une image un peu de bad boy, mais ouais, finalement, mais c'est une image de façade, quoi. J'ai vu plein de gens qui avaient une image de très propre, et c'est des parfaits enculés. Et lui, alors, par contre, il m'a parlé, il est venu. comme Sébastien, quoi. Voilà. Non, justement, je sais pas, j'ai pas un look. Il est très propre, très sage. Il est très très propre. Voilà, j'ai pas un look sage, mais je suis très très propre. Donc Joey Star un jour, il a tweeté qu'il avait mangé une salade de pâtes avec les lettres, là où je sais pas quoi. Avec quoi? Qu'il avait mangé, tu sais, tu te rappelles les pâtes avec les lettres et tout là. Les soupes de pâtes en alphabet. Ouais. Et qu'il avait fait une délire. Et qu'il avait chié un texte de Metro qui C'est pas mal. Ah oui, ouais, il est trop fort. Et il déteste hein, tous les jeunes, tout le rap là qui s'en va. Non, il fait trop rire. Il s'embrouille et tout, il fait trop rire là-dessus. Très bien. Donc, ça c'était la parenthèse de Joey Star. Gros bisous. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle pas Damien, Fabien, ou je sais pas quoi. Putain, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, gros bisous, Joey Star. Gros bisous. Gros bisous, yeah, check. One, two. Et la prochaine question de Yatai, c'était... Donc, c'était pas Yatai. C'était pas Yatai, parfait. C'est qui pas Yatai? C'était Codix. Ouais. Merci, Codix. Donc, Codix, un Codix, il pose un débat qui n'a pas de réponse, en fait. J'ai une réponse. Non, est définitive. Toi, tu as la tienne, mais les autres n'ont pas la... La même. Est-ce que la PS4 Pro, après... elle est sortie quand? On va dire 2 ans et demi. Ouais. Est-ce qu'elle a vraiment, après toutes ces années, son importance, son... Est-ce qu'elle justifie son achat? Non. Donc... Non. Oui, voilà. Bah non. Bah oui, bah non. Bah non, oui. Enfin, je peux pas dire non, parce que t'en as jamais acheté une. Le débat est beaucoup plus profond que ça. C'est que tous les joueurs PS4 ont toujours dit, de toute façon... qu'il ne voulait pas d'avoir, il ne voulait pas de jeu. Imaginez un joueur PS4, complètement, un joueur PS4 qui. Ça rame. Je suis pas aidé. Ça rame, Connor. Ouais, ça rame, Connor. Ça, on est vraiment désolé. Donc je vais refaire ma phrase. Bad de vie. Tous les joueurs PS4 ont. Attends, je vais trouver. Je trouve comment sont des humains avant tout, et donc du coup c'est compliqué. Je vais commencer dans le sens inverse. Il y a un truc de sûr, c'est que tous les joueurs PS4 Pro rêveraient d'avoir des jeux tous optimisés pour la PS4 Pro. Forcément, ils ont dépensé l'argent pour avoir une console. Certes. Donc quoi, ils disent, 100 euros de plus par rapport à un truc qu'ils auraient. Ils l'ont fait. Au même prix, Ils ont vendu ou pas leur PS4, ils ont réinvesti dans une nouvelle console soi-disant plus puissante. Des pigeons. Ils s'attendaient à avoir beaucoup mieux. La plus puissante du monde à l'époque. Ouais. Des pigeons. Oui, parce qu'elle est sortie avant la One X. Des pigeons quand on vit dans les années 80 et qu'on joue encore en 1080. Mais quand je t'emmerde, donc quelque part, je ne parle même pas comme un pigeon. Et inversement, Sony qui a dit clairement que de toute façon, la PS4 Pro n'aurait jamais d'exclusivité dès le départ, on le savait. Hein. Ouais. Ça, c'était pas une surprise. Mais certes, il n'y aura jamais d'exclusivité, mais il arrive un moment où, comme aujourd'hui, on est à la période transitoire entre la prochaine sortie de la PS5. Et où on a des jeux sur PS4 qui sont principalement en VR, hein, parce que sur des jeux classiques ça passe mieux, mais en VR il y a des jeux qui ne sortent pas à cause de la puissance de la PS4, donc c'est un vrai débat. Ouais. Du coup, tous ces joueurs qui ont acheté la PS4 Pro se retrouvent un peu coincés en se disant, mais on a quand même 4,2 teraflops de puissance qui pourrait éventuellement faire passer quelques jeux. Et les joueurs PS4, si ça sort pas sur PS4, en fait, ça ne sortira pas sur Pro. Voilà, parce que les développeurs disent on fera pas d'argent avec. Et c'est donc la vraie question, c'est est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça a son intérêt d'avoir pris une PS4 Pro? Non. Non. Pour quelques jeux, quoi. Mais non. Il y a des jeux, effectivement, clairement... ceux qui bénéficient d'un patch pro, certains jeux qui changent vraiment et qui valent vraiment le coup. Mais de là, après, à investir une PS4 Pro juste pour ces quelques jeux, je sais pas effectivement si c'est intéressant, à part si vous roulez sur l'or, mais sinon, c'est compliqué pour vous d'investir. C'est l'optimisation qui n'a pas lieu d'être, en fait. Non, à mon avis, c'est même maintenant. Tu vois, il y a un exemple, par exemple, toi tu disais, Laurent, il me semble que Solis Project, avant le patch Pro, il était moche. Et après, une fois qu'il y a eu le patch Pro, t'as dit, putain, c'est un des plus beaux jeux PSVR. Il y avait eu un gros fossé entre les deux versions. Ah oui, celui-là. Oui. Par exemple, c'est un bon exemple. Je pense. Celui-là, la première version de Solus Project, elle n'était pas vraiment belle. Elle était très floue. Quand ta version PS4 Pro est sortie, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué parce que d'un coup, ça a fait tout bizarre. Quoi. Ça a vraiment changé le jeu. Et du coup, on se retrouve face à une PS4 classique qui fait 1,8 teraflops, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Et une PS4 Pro qui fait 4,2, donc qui est deux fois plus puissante. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui ne sortent pas en version PS4 Pro. Pourquoi ? Parce que les développeurs veulent toucher le plus de monde possible quand même. Une PS4 aujourd'hui, c'est 90 millions, non, c'est plus de 100 millions, de ventes. Dans ce ratio-là, on ne sait pas le combien il y a de pourcentage de PS4 Pro, qui doit être relativement faible. La PS4 Pro, c'est plus un modèle qui est sorti, on n'a pas de chiffres, donc on ne sait pas combien elle s'est vendue, mais c'était quand même un modèle qui était prévu à la base pour la VR. Alors après, il y en a qui la prennent aussi pour profiter de la 4K. Oui. Commercialement, faut savoir qu'elle permet de jouer en 4K et alors que la PS4 standard ne peut pas. Commercialement, c'était quelque chose. La PS4 Pro qui était bien vendue commercialement, mais qui était quand même un gros truc de pigeon. Je suis désolé. Non, mais c'est un truc de pigeon. Non, mais c'est vrai. C'est des optimisations optimistes. Jalousie. Ouais, jalousie. Ok, très bien. 4K. T'es jaloux? Non. T'as une petite config, t'es jaloux. T'as un processeur des années 80. Ouais, t'as un gros con, t'es jaloux. Ça va me finir. Non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, les consoles mid-gen, en fait, c'est une espèce de d'évolution en fait, matérielle en fait que tu pourrais avoir sur un bon PC en fait. C'est un truc qu'on connaît à chaque fois. Quand on a un PC, on essaye de mettre des composants au fur et à mesure pour les évoluer. Sauf que là, en fait... 3000 balles. Oui. Non, pas 3000 balles. 900 euros. C'est pas grand-chose. Bon, bref. Et donc, du coup, en fait, mais une console, quoi, c'est quoi, c'est... Quand elle est sortie, la PS4 Pro, c'était quoi? C'était 400 euros direct. C'était le prix de la PS4 de base 2 ou 3 ans après qu'elle soit sortie. C'est... Et pour uniquement en fait des espèces d'avance marketing qui ont été données aux gens et que les gens ils ont suivi et que Uncharted 4 c'est beaucoup plus fluide sur PS4 Pro et que très bien sauf que non. Bah, oui mais ça par contre je suis d'accord parce c'est vrai qu'au départ, quand il y a eu la PS4 Pro qui est sortie, donc moi je l'ai pris direct. Alors, je suis un peu moins pigeon parce que j'ai revendu ma PS4 peu avant. Et au final, ma PS4 Pro m'a coûté 50 euros parce que j'ai revendu ma PS4 et puis j'ai vendu ma PS3 et des jeux PS3 et du coup j'ai pas payé très cher à la PS4 Pro. Mais par contre, je m'attendais à vraiment. J'achète une machine plus puissante et je veux du mieux. Et c'est là où, les premiers temps, quand la PS4 Pro est sortie, je regardais quelques jeux, il y avait bien Uncharted 4 qui était optimisé, je regardais, c'est un peu plus net, voilà, mais vous pouvez regarder sur YouTube des comparatifs PS4, PS4 Pro, c'est franchement, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce que j'attendais là-dessus, c'est la VR, parce que la VR, c'est une technologie qui a besoin vraiment de puissance, donc le fait d'avoir sorti une PS4 Pro, ben, c'est une machine qui a besoin de puissance. Donc, la PS4 Neo, elle allait avec le Morpheus. Et je ne vois pas ce qu'ils ont essayé de basculer avec la PS4. Finalement, c'est un boulet pour la VR, en fait, ce PS4. Tu as vu cet après-midi le cap qu'il y avait entre un jeu VR PC et la PS4 Pro. Oui. Bah oui. Tu as déjà vu le cap entre un jeu PS4 et toi, tu l'as pas vu par contre parce que tu es sur PS4. Bah, en fait, on l'a pas vraiment vu. On l'a pas vraiment vu parce que même les jeux qui sont optimisés pro, ils ont pas été créés pour la pro à la base. Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'ils pourraient envoyer plus de bois, entre guillemets, sur pro que ce qu'il y a. Finalement, oui, c'est ça. C'est qu'un studio, il va développer pour vendre le plus. Donc, il va développer sur le parc machine qui aura le plus de joueurs. Le parc machine, c'est les joueurs de la PS4. Et après, ben, à mon avis, ils travaillent à l'envers. Ils vont développer leur jeu pour la PS4. Donc, ils vont faire le jeu à fond sur la PS4. Ils vont sortir leur jeu. 3 ou 4 semaines, si on a de la chance, ils vont dire, on vous a fait un patch. Mais le patch, c'est quoi? Le patch, c'est on va améliorer des textures dans la résolution. C'est simple, c'est comme un jeu remaster sur PS4. C'est ça. Tu vas avoir un jeu de PS3, hop, ils vont le relisser. Remaster PS4, il va être plus beau, plus propre. Mais ça reste un jeu quand même pas à la hauteur d'un jeu créé pour la PS4. Voilà. Et là, c'est un peu pareil avec la Pro. En fait. Et au final c'est pas l'inverse. C'est pas le jeu qui est développé pour la Pro. Ouais, d'accord. Et qui est mis à jour. Et puis c'est dommage, t'as une console, effectivement, t'as que quelques jeux qui sont optimisés. Et c'est un peu comme le problème aussi du contrôleur 3D Rudder, c'est qu'il n'y a que quelques jeux qui fonctionnent dessus. Ouais, c'est ça. Et du coup, ceux qui l'achètent, bah, ils espèrent qu'il va y avoir plus de jeux compatibles aussi. Parce que t'achètes un produit et ça frustre un peu, du coup. Tous les joueurs qui ont, et ils sont nombreux en VR, notamment en VR, à avoir pris une pro et qui ont investi, parce qu'en disant ils ont démarré avec la PS4, ils ont dit j'aurais mieux en VR avec une PS4 pro, et ben tous ces gens là qui ont acheté, il y a des moments où ils doivent se poser la question en se disant est-ce qu'il y en a tant que ça. Ben justement, on n'a pas les chiffres, donc on ne sait pas. On n'a pas les chiffres. Mais à mon avis, autour de la table, qui est sur PS4 Pro? 1, 2, 3, 4. Donc on est 5. D'ailleurs, autour de la table, je suis le seul connard. Ce serait intéressant de savoir sur tous les joueurs VR qui est sur PS4 Pro. Le pourcentage. Alors, autant sur toutes les consoles vendues de PS4. Il y a quand même Pigeon. Le calcul est simple. Sur les consoles PlayStation complet, je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être 10% de PS4 Pro et 90% de PS4. Par contre, en VR, le ratio, à mon avis, il serait intéressant. Le ratio nique sa race. Excusez-moi de l'expression. Je suis d'accord avec ça. Le ratio, ouais. Mais... Les gens ont acheté une PS4 depuis quoi? C'est quoi? Quand est-ce qu'elle est sortie? C'était en 2014. Sois pas jaloux, je veux dire, t'en as une plus petite que les autres. Quand t'en as une plus petite que les autres, c'est pareil, tu vas faire. Je vais te la mettre sur la gueule, tu vas voir, ça sera bizarre. Elle est sortie en 2014, la PS4, il me semble. C'est ça. La PS4 2013, non? Fin 2013. Ouais, c'est en 2013, exactement. La PS4 Pro 2015. En 2016, en février. Juste avant le PSVR. 2016. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi acheter un device un petit peu plus. Pourquoi tout ça? Mais c'est ça qui est fou. Parce que. Non, mais. Spanx, say. Vous connaissez le monde du PC? Oui. Le monde du PC, c'est quoi? C'est un monde qui est en permanence en pleine évolution. Donc tu vas acheter un PC. Spanx va acheter un PC avec une super belle carte, une 1080 Ti et tout une ça. Une carte. Très bien. Et alors oui, c'est différent parce que tu vas monter une coque et tu vas commencer à faire évoluer. Tu vas le faire évoluer. Je vais te niquer. Je t'attends, tu es toujours en permanence. Et que fait un développeur sur PC? Ben, un développeur sur PC, il sait que c'est un monde où il y a énormément de différences de puissance de matériel. Et puis, donc, les développeurs, ils font quoi? Ils vont développer leur jeu adapté à différents types de PC. Ce qui devrait arriver chez Sony, et ce qui n'est pas le cas, parce que finalement les développeurs ils vont faire du fric, ils vont se dire déjà le marché de la VR c'est un marché où on gagne pas de thunes, on va essayer pour voir si ça marche, donc on va faire notre jeu, c'est quoi qui rapporte le plus de thunes, c'est la PS4, donc ils développent sur la PS4, Et puis au final, si on a de la chance, on aura un pass sur la PS4 Pro. Ouais. Et dans ce cas-là, ben, on est très content d'avoir un patch, parce qu'ils ne sont pas tous bien, parce que des fois, on nous annonce des patchs PS4 Pro, et des fois, franchement, tu n'as aucune différence. Et attends, je crois que, par exemple, il me semblait que Téléfrag avait reçu un patch PS4 Pro. Ouais. J'ai relancé le jeu, je l'ai cherché, en fait. Ben non, mais il n'a absolument pas changé le jeu. Il y en a d'autres, vraiment... par contre, qui prouvent que c'est possible. Il y en a d'autres où, vraiment, c'est flagrant. Je sais pas si c'est une connerie ou pas. On se dit, putain, mais... c'est plus net. Comme et sur No Man's Sky. Ah merde, ils l'ont toujours pas non, sorti. Non, No Man's Sky, il faut pas rêver. Le cheminement de ta pensée, Charles Rand, oui. C'était justement le... Il va prendre l'assurance, là. Il a dit Charles Rand, quand même. Le cheminement, c'est pas facile à dire, hein, quand même. Avec le... Charles Rand. C'était que tu voulais justement... prouver la capacité en fait de la PS4 Pro pour proposer ensuite par le biais des développeurs un patch supplémentaire. Je pense. Non. Oui. Non. C'est pas ça. Non, je trouve ça normal. Oui, c'est normal, sauf que ça n'est pas arrivé. Sauf bah, que sur ça arrive PC. Ça arrive des fois. Ouais, ça arrive des fois. Pas mais là, sur Téléfrag, par exemple. Alors, il me semble qu'il a reçu un patch, hein, ça tombe d'une connerie, mais il me semblait que j'avais lu... Et le problème est là. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Le problème, c'est que le studio, il va se dire... il communique, le studio. Le studio, il a travaillé pendant combien ? Pendant 2 ans, 3 ans, avec une équipe de 15, 20, 30, 50 personnes. Ils ont investi, et maintenant, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc le studio, il va dire, c'est bon, là maintenant, il faut qu'on rentre du fric. On va toucher la PS4 parce que forcément, on va toucher plus de monde sur PSVR. Ce qu'ils oublient, les studios, par contre, c'est que la plupart des testeurs qui vont noter le jeu, qui seront sur VR Game Critique, ou qui seront n'importe où, ils sont tous sur PS4 Pro. Donc les gens, ils vont noter un jeu sur PS4 Pro, alors qu'il est fait que... Donc le premier truc qu'ils vont avoir dans la figure, c'est un jeu flou. Ouais. Et la note, elle va être en conséquence aussi, parce que même si le mec il sait que le jeu il est pas optimisé PS4 Pro, il va dire ouais putain il y en a ouais c'est un peu flou. Tu peux pas le prendre en compte, tu sais pas s'il y en aurait une vraiment derrière. Donc, Voilà. Et puis après, cette machine finalement, il y a la moitié des studios qui la snob, qui disent bon on fera pas de fric avec parce que c'est une minorité en VR. Ou une minorité de joueurs et puis voilà quoi, ils vont snober, ils vont même pas l'optimiser. Donc dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir acheté une Pro si c'est pour avoir les mêmes jeux que sur PS4? À rien. Ben, dans ce cas-là, oui, à rien. À rien. Et c'est ça qui est. À quoi ça sert d'acheter une PS4 Pro? À quoi ça sert? À quoi ça servait d'acheter une PS4 Pro? C'était d'avoir une machine plus puissante pour la VR, parce qu'on sait que la VR, c'est méga... Oui. Fucking marketing. Et c'est là, fucking marketing. Et c'est là où il y a un gros souci. Et c'est là où il y a un gros souci. C'est que... C'était quoi, ce bruit? J'ai pété. Voilà. Très bien. C'est là où il y a un gros souci. C'est au niveau de la VR, comment on peut... Merde, je sais plus ce que je voulais dire. au niveau de la VR, oui, c'est ça tout. C'est bon. C'est ce que je voulais dire. Au niveau de la VR... qui quand même avait une PS4 Pro et un PSVR qui étaient censés être en couple, on s'est retrouvé quand même finalement à acheter un pack parce qu'on savait que la VR avait besoin de puissance. La plupart des joueurs VR qui sont passés de la PS4 à la PS4 Pro attendaient du mieux. Et ben ces joueurs-là, sur beaucoup de jeux même, ils sont un petit peu déçus. Floués. Oui, c'est ça. Floués. C'est ça. Et donc, voilà. Spoliés. Quelque part, c'est un peu ça. Et puis, c'est frustrant, parce que le fait que Sony ait annoncé qu'il n'y aurait jamais d'exclusivité sur PS4 Pro, au final, on peut le comprendre au début, parce qu'ils essayent de vendre des PS4 Pro, mais au final, quand on est dans cette période maintenant, où on voit l'avancée du monde PC, on voit qu'on a 4,2 teraflops qui ne sont pas utilisés en VR. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le message de départ n'a pas été respecté par Sony, c'est-à-dire je pense que c'est pas clair, c'est pas net. Ils auraient dû Moi, j'aurais préféré qu'ils m'annoncent une PS4 Pro. On débourse 400 balles pour acheter la PS4 Pro et puis ils nous balancent des exclusivités PS4 Pro. Est-ce qu'on n'est pas du coup d'accord que le message final de Sony, c'est uniquement niqué quoi. Quelque part. Non mais. Au bout d'un moment. Non mais gentiment. Tu sais que la plupart des trucs commerciaux ou de marketing. Oui. Donc du coup c'est. L'objectif il est là. On essaie de vous vendre un truc qui est mieux, mais qu'on ne va pas exploiter. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la PS4 Pro. T'as quelques jeux en plat qui sont un petit peu mieux, un petit peu plus jolis. Attends, je vais redresser direct la situation. On parlait que des jeux VR. Que des jeux VR pour le moment. En plat, il y en a beaucoup qui bénéficient d'un patch PS4 Pro, il y en a énormément. Non, on parle de VR. Voilà. Certes. Voilà, donc quand t'as une télé 4K, enfin moi qui ai racheté justement, j'ai revendu ma première PS4. Ouais, très bien, je suis riche. Et j'ai acheté la PS4 Pro parce que j'avais une télé 4K. Et franchement, honnêtement, j'en suis pas du tout déçu. Tu m'étonnes. À part, bon, qui a certains ralentissements un petit peu sur la PS4 qu'on a pas sur et la PS4. Et ton PC obsolète. Oui, c'est sûr. Ouais, parce que je pense que la PS4 Pro, elle est, nous on l'assimile par rapport au projet Neo avec le PSVR, mais au final, dans toute la communication publicitaire de Sony, à chaque fois qu'ils ont présenté la PS4 Pro, ils ont mis en avant l'étiquette 4K. Par contre, les quelques spots publicitaires qu'il y a eu concernant le PSVR, on n'a jamais eu la PS4 Pro mise en avant avec le PSVR. On la voit bien au final, mais ils mettent pas en avant la PS4 Pro dans le sens où ça va apporter un plus ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est nous, on se fourvoie dans le possible dialogue ou communication de Sony. Le but de Sony avec la PS4 Pro, c'est la 4K et rien de plus, pour moi. Ouais, donc c'est vraiment le plat uniquement. Non, pour moi, oui. Quand t'as une console qui fait le double de puissance d'une console, bien plus du double de puissance que son origine, et que tu sais que la VR est gourmande à ce point, tu te dis, je vais quand même avoir une console deux fois et demi plus puissante qu'une PS4. Oui, mais tu raisonnes, tu raisonnes de ton point de vue de joueur VR. Oui, mais au final, le parc de la PS4 Pro, il touche les joueurs de PS4 en général. Tout à fait. Au niveau mondial. Donc la réponse qu'il faut dire de tout ça, c'est que Sony, en fait, ils ont sorti cette console pour faire de la 4K et ils se sont foutus des joueurs VR. Ils ont appelé une console Neo et oui, non, c'est une assimilation qu'on a, je pense, nous joueurs, on a bien voulu faire, moi le premier. C'est-à-dire qu'on a sorti la PS4 Pro quasiment en même temps que le PSVR. On a fait le lien, le parallèle en se disant... Le lien, c'est Sony qui l'a fait, c'est pas nous. Morpheus Neo. Une grosse campagne marketing. À la limite, on parle même plus de ça. On parle plus du lien Morpheus Neo. On parle de l'acheteur pur. L'acheteur pur, il va acheter une console, il va acheter une PS4, il va acheter un PSVR, il va jouer, il va se dire « Putain, la VR, ça me plaît, c'est sympa. » Et après, il va se dire « Ouais, bah, c'est un peu flou, c'est un peu... j'aimerais avoir mieux, parce que la VR, ça me botte. » Il achète la PS4 Pro, c'est ça, l'acheteur. Et donc, il achète, en lui vend une console 4 fois et demi plus puissante qu'une PS... 4,2 teraflops. En lui vend une console 2,5 plus puissante qu'une PS4, et au final, si le jeu n'est pas patché en VR, il a rien de mieux. Voilà. Donc il a claqué 400 balles. T'as une grosse condition quand même derrière. Comment ça? Une grosse condition si les développeurs et si le jeu va être. Alors, il y a certains jeux qui. Tu le sais quand t'achètes. Oui, mais il y a certains jeux qui ont, comme je disais tout à l'heure, Solus Project. Il y a eu plein de jolis trucs. Il y a des jeux qui sont optimisés, qui sont très très beaux. Skyrim sans patch pro, ça pique les yeux quand même. Oui, c'est vrai. Ah, je sais que quand il y a eu le patch pro, j'étais. Ah ouais, okay. J'étais après. Je pense que Sony, il a sorti sa machine. En fait, sa machine, Sony la met à disposition des développeurs. Et après, ce sont les développeurs qui en font ce qu'ils en veulent. Exactement. Ouais. Oui, mais ah, d'accord, ok. On dit d'accord, on s'est fait avoir une fois. On dit, bon, bah, la PS4 Pro, on a payé pour la PS4, on a payé pour la PS4 Pro. Sauf que maintenant, les gens qui ont goûté à tout ça, est-ce qu'ils vont faire pareil sur une PS5 Pro? Non. Non. Alors là, moi non. On a tous une PS4 Pro. Mais non, mais non. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant si on... Mais c'est pour revivre la même chose. Ouais, voilà. C'est réfléchir. C'est un certain confort, certes, pour certains jeux. Tu prends plus de plaisir. Voilà, Skyrim avec PS4 Pro, je dis, c'est un très bel exemple. Tu prends beaucoup plus de plaisir à le parcourir en pro que sans pro. Mais bon, est-ce que... Ouais, ça marche bien avec les iPhones, iPhone 6, iPhone 6S. Mais ça marche, c'est en train de s'épuiser, quoi. Ça s'épuise. Ouais. Sauf que là, c'est épuisé, en fait, sur les consoles directement, en fait. Ouais, ça tombe, après, on va avoir un PSVR 2, PSVR 2 Pro. On verra, on n'est pas sûr encore de ce qui va se passer. On arrive à le comprendre quelque part, parce que c'est vrai que... Tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on parlait du fossé qui était en train de se creuser entre le monde du PC. Et il y a eu une époque où, par exemple, quand la PS3 est sortie, où on avait des consoles qui étaient du jour de la sortie, des consoles qui étaient limite plus puissantes que des PC de fou, quoi. Et après, ça s'est calmé. Du coup, les PC ont pris beaucoup plus. Maintenant, entre un PC et une console, c'est monstrueux l'écart qu'il y a. Et donc, ils se sont dit, comment contrer ça? Parce qu'il y a des joueurs exigeants qui commencent à partir de console pour aller sur PC, parce qu'ils savent très bien que c'est plus puissant, mais aussi plus cher. Mais ils ont de la meilleure qualité, ça tout le monde le sait, et puis c'est indiscutable. Et est-ce qu'en même temps, ils ne se sont pas dit, on va sortir une PS4 Pro 2,5 fois plus puissante pour essayer de garder un peu notre communauté et éviter qu'elle parte? Ils ont mis un produit entre les mains des développeurs. Vous en faites ce que vous voulez. Oui. Au final, il y en a qui ont saisi l'occasion et d'autres pas du tout. Non, mais ils n'ont pas optimisé. Ouais. Ils n'ont pas dit vous en faites ce que vous voulez. Non, mais c'est du sous-entendu, Laurent. Oui, mais je veux dire, ils ont dit il n'y aura pas d'exclusivité PS4 Pro. Oui. C'est cette phrase qui a tout changé. Ouais. Bah, oui et non. Parce ils auraient pu dire il n'y aura pas d'exclusivité PS4 Pro. Mais un studio en VR, un studio sur de la VR, il n'aurait pas fait une excuse sur de la PS4 Pro. Non, parce qu'à la fin, il faut payer les factures, il faut manger. Et quand on voit les studios, comment ils cravachent tous pour arriver, les trois quarts, ils ferment d'ailleurs. Ils se seraient pas lancés sur... Quand tu communiques avec eux, le premier truc qu'ils te disent, on a toujours voulu développer sur PlayStation, et notamment la PlayStation 4, et on vise toujours le parc le plus important. Ah, je suis tout à fait d'accord. Bah ouais, mais il faut manger à la fin du mois. Par contre, il y a certains jeux... C'est là où... Le patch, c'est autre chose. Hein. Je parle vraiment l'exclusivité PS4 Pro. C'est là où... alors, d'accord. ok. Mais alors, dans ce cas-là, Sony qui a dit il n'y aura jamais de jeux qui seront exclusifs à la PS4 Pro, est-ce que... Tu penses que ça a mis un frein à très très peu? Non, alors, non. C'est... Quand tu arrives sur un point où c'est que tu as un jeu qui, de toute façon, ne pourra pas tourner sur la PS4. Donc les joueurs PS4 n'auront jamais ce jeu. Est-ce qu'il faut l'interdire aux joueurs PS4 Pro qui auraient la puissance de le faire tourner? Là, ils ont respecté leur parole. Moi, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Si le jeu ne peut pas tourner sur PS4, mais qu'il peut tourner sur PS4 Pro, dans ce cas-là, il doit sortir. Et c'est là où le problème de l'exclusivité, il est... Mais ils se sont peut-être rendu compte de leur erreur. Et puis, si on fait le parallèle, la transposition par rapport à la prochaine génération, où on entend dire qu'il y aurait peut-être deux consoles, donc... Pourquoi deux? Et si on repart d'entrée de jeu sur le même procédé, il va falloir se rapprocher du monde du PC, c'est ce que je pense, à savoir mettre une configuration minimale. Tu peux jouer avec une configuration minimale, mais par contre, si ta puissance te permet de jouer et d'avoir un réglage différent, que tu puisses l'utiliser, pas le brider à ce niveau-là. C'est bien plus vicieux que sur PC. Si je peux me permettre, il y a une grosse différence de philosophie, en fait, justement, entre... Microsoft et Sony qui essayent de faire des consoles de base et ensuite qui essayent de faire des consoles plus, toi, avec un peu plus de puissance. t'as Nintendo qui est à côté et qui essaye justement de dire aux développeurs d'essayer de développer en fait des jeux avec une espèce de carence technique. C'est vrai. Qui sont en retrait au niveau des OS, c'est sûr. Et qui jouent sur l'optimisation. Ouais, l'optimisation de Zelda sur Breath of the Wild ou n'importe quoi. Non, je parle pas de Zelda, je parle en VR. Attends, mais ça s'applique à la PS4. Ça s'applique à la PS4. Il y a certains jeux PS4, certes, c'est des bombes atomiques. Certes. Comme Uncharted 4. Certes. Je suis complètement d'accord. Je suis pas un pro Switch ou n'importe quoi. Ouais, mais je dis juste l'optimisation, je vois tous les points. Je dis juste que il y a un article super bien optimisé sur PS4. Il y a des jeux qui sont super bien optimisés sur Switch. Il y a un article qui est passé il y a pas longtemps qui sont dit que il y a des jeux qui étaient vraiment next gen qui étaient facilement adaptables sur Switch. Ouais, mais enfin. Grâce à l'optimisation. Après, quand tu vois de la mémoire, de. Et d'optimisation de quoi tu sais, mais... Si tu peux optimiser sur la Switch. Mais là, on parle pas d'optimisation. Il y en a. On parle de jeux qui ne peuvent pas tourner sur PS4. Mais bien sûr que si. Mais non. C'est la même chose. Et ils pourront pas tourner. Un Fallout 4, il peut pas tourner sur PS4. Pourquoi? Mais parce qu'il serait moche. C'est pas stable. Il serait invendable. Regarde Obduction. Mais tu l'as vu tout à l'heure. Regarde Obduction, la merde que ça mais a fait. Mais tu l'as vu sur PC tout à l'heure. Enfin, je veux dire, même sur PC. Mais je l'ai vu sur ton PC qui tourne du feu de Dieu. Sur. Mais je l'ai vu tourner sur ton PC. Il est moche déjà. Il fallait. Donc, déjà, je t'en mets. Mais en plus, je veux dire, les textures sont pastel. Le jeu tournerait. Je veux dire, tu fous une. Rien que deux fois sur toutes les textures du jeu. Mais ton divisé par deux, c'est quoi? C'est une 1080p ton PC. Oh oui, excuse-moi. Fais-le tourner ton jeu sur une PS4. C'est impossible. C'est pas possible. C'est de l'optimisation. Donc, c'est non, c'est pas de l'optimisation. Non, c'est qu'il y a un moment où les studios ils se disent, est-ce qu'on peut le faire tourner correctement? On va l'essayer, on va regarder à combien on est de FPS, est-ce qu'il peut tourner? Est-ce qu'on arrive aux 60 FPS? Merde, on n'y arrive pas. Donc on va virer des textures, on va virer de l'herbe, on va virer des machins, à la fin le machin il ressemble plus à rien. Des trucs qui sont taillés à coups de serpe. Et là à un moment ils se disent, non il est trop moche, on le sort pas. Mais le problème c'est que s'ils le sortaient sur PS4 Pro, ben, il aurait de la gueule. Non. Et c'est ça qui me dérange. Mais trop pas. Mais il n'aurait pas la gueule qu'il aurait sur un PC avec une bonne carte et tout. Mais il pourrait sortir. Et je pense que quand... Et donc, voilà, c'est là la question. PS4 Pro, tout ça, c'est de la pigeonnerie. Non, la pigeonnerie c'est que les joueurs PS4 n'acceptent pas qu'on ait des bons jeux, alors que de toute façon, ils ne l'auraient pas sur leur console. Donc, parce qu'eux ne l'auraient pas, eh ben, tous les autres, ils doivent pas l'avoir. Ah donc, je suis le seul frustré du site. Non, tous les gens qui vont dire, moi je comprends pas. Par contre, au niveau du PC, ben, si tu achètes deux PC, t'en as un qui est moins puissant que l'autre. L'autre, il va dire, ouais, mais l'autre, il a une 2070 ou une 1080. C'est moi, j'ai une petite carte. C'est le nerf de la guerre depuis le début du jeu vidéo. Mais cette théorie-là, elle ne marche pas sur console. Elle n'est pas logique. Oui, sur console, certes, ouais. Mais c'est quand même le même ratio que tu as eu depuis des années. Mais oui, mais entre je suis d'accord. Le PC et la console. Le ratio. Les PC et Non. Le ratio, il n'est pas entre. Non. Le problème, il n'est pas entre le PC et la console. Le problème, il est que sur PC, si tu as deux PC, un PC d'entrée de gamme et un PC de haut de gamme, eh ben, il y en a un qui va dire ah, moi, j'ai acheté ce PC, mais ce jeu, il ne peut pas tourner. Ah, mais bon, il faut une config de malade pour faire tourner ce jeu. D'accord, ok. Et ça choquera personne. Il joue aux Sims 2. Et ça choquera personne. Mais par contre, sur console, eh ben, le mec, il aura Fallout 4. Ah, ben, ça tourne pas sur PS4. Eh ben, toi, t'as une console plus puissante que t'as payé quand même 400 balles. Eh ben, et ça tournera pas tout non plus parce que ça se vend pas sur PS4. Et parce que t'es un pigeon. Donc. Voilà. Et le débat final, c'est qu'après toutes ces histoires, est-ce que la PS5, est-ce que si un jour ils sortent une PS5 Pro, est-ce que ça va valoir le coup? Tout est une question de politique. En fait, je pense que il faut arrêter en fait cette politique de mid-gen. La mid-gen, pour moi, c'est de la connerie en fait au niveau des consoles. Ça existe en termes de PC, mais. Mais c'est pas autorisé à la console alors. Non. Donc il faut les non. arrêter aux consoles. C'est pas consoles. La même philosophie. Oui, mais c'est ça. La philosophie, c'est que tu as une génération en fait de consoles qui fonctionne. C'est peut pas. Mais avoir... c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas la même philosophie. Alors. Non, mais ça n'a jamais été la même philosophie. Je parle pas de philosophie, je parle de logique. Je parle d'un PC qui est tous les joueurs PC, ils seront jamais choqués de leur vie de se dire, moi, j'ai, ce jeu, il peut pas tourner sur ma config. Putain, un fichier, je rêverais d'avoir cette config. Ça, c'est clair. Sur console, eh ben, bah, au final, eh ben, on se retrouve avec finalement une console qu'on a payée plus cher, parce qu'on en a acheté deux quand même. On a acheté la PS4. Parce que tu l'as acheté. La PS4 Pro. Parce que tu l'as acheté. Mais je parle vraiment pour les gens qui ont acheté la console. Parce que tu l'as acheté. Eh ben, tous les gens qui ont acheté la console, ils ont eu certes quelques jeux qui étaient optimisés, qui étaient sympas. Il y en a certains en VR qui étaient bien. Mais au final, de se dire, ben, ce jeu, il tournera pas parce qu'il tourne pas sur PS4. Alors qu'il aurait très bien pu tourner sur PS4 Pro, ou de voir des développeurs qui disent on va sortir le jeu. Je pense à ces Kingdom qui avait reçu l'équipe de développement, qui nous avait confirmé que ça allait sortir sur PS4. Et puis au final, ils ont vu que la PS4, avec 1,8 teraflop, fallait arrêter de se mentir, hein, ça passerait jamais. Et on a très bien compris que ça sortirait pas parce que la PS4 n'était plus assez puissante pour la VR. PS4 Pro, victime de la mode. Non, victime de la PS4. Telle est son nom de code. Voilà. Année 80. PS4 Pro, victime de la PS4. Ouais. De la... Et c'est la première fois qu'on rencontre cette situation sur console. La vraie question, c'est comment va réagir le public sur la prochaine génération si ça devait se reproduire. Se reproduire, mais je pense que Sony seront pas. Enfin, en tout cas, j'espère que Sony sera pas suffisamment con pour recommencer cette histoire de. Et pourquoi ça a marché la première fois? C'est... Oui, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est là où il y a. C'est bien con de pas le reproduire. Ouais, donc, du coup, du marketing. En fait, c'est quoi le problème? C'est quoi? C'est la boîte? Ou c'est le consommateur? C'est les deux. C'est la boîte pour vendre un truc le message, sur IP et puis le message initial pour vendre quelque chose comme tu dis sur IP est plus cher. Ouais. Et deux, le consommateur qui est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et de plus puissant. Ouais, c'est fou, quand même. Là, il n'a pas été trompé au final. On lui a donné quelque chose de plus puissant qui n'est pas usé à utiliser. PC, c'est évolutif. On lui a fourni quelque chose de plus puissant qui ne fournit rien de mieux. Ouais. Parce qu'il est bridé par sa version inférieure. Par la PS4. Bon, t'as bien foutu la merde, en tout cas, avec ta question. C'est Codix, c'était la question de Codix. Mais c'est une vraie question, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs PS4 Pro, notamment en VR, qui se posent la question aujourd'hui, qui se disent, c'est vrai qu'on a certains jeux qui sont vraiment plus jolis en VR, le bel exemple, c'est No Man's Sky, parce que on a vu No Man's Sky, je pense que tous les gens qui sont sur PS4 Pro, ils se sont dit, putain, c'est flou. Et la plupart, ils ont dit, j'attends le patch. Parce qu'on a presque eu cette habitude maintenant d'attendre une version PS4 Pro compatible. Sauf que dans le cas de No Man's Sky, elle n'est pas arrivée. Et puis, je ne sais pas si elle va arriver un jour. Donc, au final, c'est vrai qu'il y a certains... C'est un peu frustrant, quelque part. On se dit, merde, j'ai acheté une machine exprès pour la VR. J'ai acheté un truc plus puissant pour profiter de la VR. Et je suis quelque part un peu bridé par une machine qui n'est pas faite pour la VR. Voilà. Donc, autant un joueur PS4, je le comprends parce qu'il veut pas se sentir. C'est normal qu'il veut pas se sentir floué par des sorties. Autant quelqu'un qui paye plus pour avoir plus et qui n'a pas plus, je le sens aussi frustré. Et c'est au niveau de ça où Sony, je pense qu'il y a un petit souci parce que le joueur, il se sent un petit peu. La PS4 Pro. C'est de la pigeonnerie. Voilà. Je peux pas être plus clair que ça. La PS4 Pro depuis le début. La jalousie. honnêtement, tu vas pas nier devant tous les auditeurs qui t'écoutent là. Il y en a des. Je t'écoute. Des millions. Descendu des millions. Peut-être même des milliards. Cette PS4 Pro. Pour... Ne le nie pas. Pourquoi? Tu as hésité plusieurs fois à l'acheter. Pourquoi? Tu as des preuves? Mon folie. Ah non, je n'ai pas de preuves, mais. Je t'en prie. Mais ne le dis pas devant tous ces auditeurs. Si attentif. Oui. Les gens veulent la vérité, bien entendu. Mais exactement, oui. Voilà. J'ai changé depuis. J'ai changé. T'as changé. Non, ouais, ok. Bon. Mais bon, je l'ai pas fait. Donc, du coup, je t'amarque. Ouais, voilà, bon. Ouais, sacré argument, mais bon. Mais bon, franchement, voilà, la PS4 Pro, donc on est tous. Enfin, on n'est pas tous, en plus, on est. Pas vraiment du même avis. Bah en tout cas, enfin ce qui serait bien, c'est qu'ils sortent pas une console qui divise la communauté, voilà, parce que ça peut être clivant. Diviser la communauté parce que certains auront un jeu plus joli que l'autre. En fait, c'est pas compliqué. J'ai l'impression en fait que les gens veulent une console qui soit stable et pérenne pendant au moins 5 ans. 5 ans, je pense que c'est une bonne moyenne. Où t'as une console justement qui fait tout ronronner gentiment, et en plus ça dépend des envies de chacun. Par exemple, tu as des gens qui préfèrent des gens qui sont à 30 fps, des jeux qui sont à 30 fps, des jeux qui sont à 60 fps, des trucs avec des belles textures ou n'importe quoi. Donc, version plate, ouais. Déjà. Est-ce que la PS5 réussira à faire tout ça? Je suis pas sûr. En tout cas, il y aura un gap de puissance, ça c'est sûr et certain. Plus joli. Je pense qu'on sentira plus ce cap-là que. Il y aura beaucoup moins de flou et d'aller cap. C'est une limite. Hein. Enfin, les développeurs ils sont limités. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Mais après, les jeux les mieux optimisés, bah, évidemment, on ressent moins l'effet de flou et d'aliasing. Mais... Et pour rebondir là-dessus, la PS5 qui sera compatible avec le PSVR, qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un développeur? Est-ce qu'il va développer un jeu VR compatible PS5, sachant que les joueurs PS4 vont se sentir aussi gênés si un jeu ne peut pas tourner sur PS4? Donc la question va se reposer. Oui, mais non, parce que là, après, c'est plus la même chaîne, c'est plus la même génération. Donc là, ça peut pas être bridé. PSVR. Et dans ce cas-là, ce serait mieux. Ah bah oui, ça mais là, je pense. L'achat d'une PS5. PS4, PS4 Pro, t'as PS4 dans le mot, qui reste. C'est la même génération, c'est une version plus puissante. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, il y aura bien sûr des jeux exclusivement PS5. Ouais, mais là, on tourne en rond, là, par contre. Ouais. Là, je pense que c'est la quadrature du cercle, on n'aura pas la réponse. C'est vrai. Il va falloir passer à autre chose. C'est vrai. Conclusion. En conclusion, on pleure. Vous jouez à quoi? Alors moi, je joue à No Man's Sky. En plat et en VR. En plat et en VR, oui. Donc en plat, qu'est-ce que ça donne? T'as passé combien de temps dessus? Non, mais ça va, c'est... Combien d'heures en Man's Sky? J'ai à peu près 200 heures de jeu, donc effectivement, j'ai pas pu les faire toutes en VR. Il y a des 200 où... heures de jeu, et au bout de 200 heures, tu le conseilles ou pas? Tu es toujours autant hypé par le titre? Tu t'es lassé au bout de 200 heures? J'y joue périodiquement, il y a des moments où j'y joue encore. Enfin, j'y joue, qu'est-ce qui a fait que tu es allé voir sur d'autres jeux? Au bout d'un moment, forcément, sur un jeu, tu te lasses. Déjà 200 heures sur un jeu, c'est énorme. C'est déjà superbe. Ouais, c'est déjà pas mal. Enfin, je joue de temps en temps. Ça me fait trop plaisir de jouer de temps en temps. Alors attention, une petite précision, Spank se joue sur PC, No Man's Sky. Ouais, voilà. Nanti. Infidélité. Aside, c'est vrai que la version VR semble un petit peu meilleure sur PC VR. J'ai entendu, mais après j'ai pas encore testé une version PS4. Oh, tu peux aller sur la PS4 Pro, c'est la même. Ouais, je sais, mais... Voilà, non, mais sur PC, si, je l'ai déjà dit en podcast, qui tournait. Une podcast? En podcast. Et personne se fout de sa gueule. Ok, très bien. Ma gueule, c'est bon, Mais voilà, non, si sur PC, il tourne plutôt bien, hein, franchement. Par quelques baisses de framerate, graphiquement, ça tient bien la route hein, pour ce qu'il propose. On est tous d'accord pour dire que c'est un super jeu. Par contre, c'est vrai que Spanx tourne avec une config PC qui est relativement musclée. Et il ne connaît pas la version PS4 Pro. Et on revient à notre sujet PS4 Pro. Bah, c'est joli, hein, c'est bien. Le jeu est exceptionnel. Ça, mais il est flou. Ouais. Et toi, petit Seb, Moi, je suis en train de me finir Shenmue 2, parce que j'avais commencé à les refaire. Mais c'est vrai que je joue pas trop en plat, je suis plus VR, mais donc du coup je mets du temps à finir mes jeux en plat, donc c'est pour ça que je suis toujours sur Shenmue et voilà. Et sinon, enfin sur PlayStation, sinon je joue un peu aussi sur ma petite Switch, mais bon, Switch. Ah, c'est le truc qui fait la VR mais mal. En carton. T'as une Switch Pro, toi? Alors le débat, le quand il sort sur Switch, c'est le niveau dessous en fait. Non, je joue à Astral Chain. C'est l'inverse des autres constructeurs. Astral Chain sur la Switch, c'est vachement bien. La Switch Pro, il paraît que Zelda est bien en VR. Et toi, Cyril, donc? Et toi, Cyril? Next. Alors, en ce moment, je joue à Far Cry 5. Ouais, en coop, je précise. Voilà. C'est le truc de nationaliste blanc, non? Non, c'est une secte. Ça fait plus penser à l'affaire Waco qu'autre chose. Far Cry, ça a toujours été un peu une histoire de secte. Non, c'est pas mal. Ça avait créé des polémiques déjà au début. Ouais, carrément. Ouais, je l'ai terminé celui-là et la fin est. Tu l'as terminé? Ouais. Ah oui, j'ai essayé, je crois que vous aussi, la bêta de Ghost Recon Breakpoint. Ah, t'es vachement ubise. Hein. Mais je coop online, ça court pas les rues, hein, sur console. C'est vrai qu'ils sont très bons là-dessus. Ouais. Ils sont présents, ouais. Ouais. C'est un peu toujours la même recette, malheureusement, mais mais bon, moi, ils en font, c'est déjà bien. Bah, pour ma part, moi, j'ai terminé Céleste, qui est un petit jeu indé qui est sorti sur Switch et sur PC, et c'est un bonheur de gameplay de précision en tout cas. Et c'est très très bien. Et donc Céleste, je le conseille. Moi j'ai testé aussi la bêta de Modern Warfare. Et donc Call of Duty. Ah, ça fait rigoler. Hein. Mais il est vraiment pas mal. Hein. C'est un peu le retour aux sources. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. On a passé un week-end avec plusieurs potes à jouer dessus. La bêta, pour une fois, une bêta qui tournait, mais aux petits oignons, ça tournait vraiment pas mal. pas de lag. Ça tournait bien. Ouais, le jeu est vraiment sympa. Il va proposer beaucoup de modes de jeu. T'as de la coop? Pas encore trop. Mais je sais que t'as, par exemple, t'as un mode multijoueur, mais avec deux joueurs, où tu joues justement coop contre deux autres joueurs, avec des phases assez tactiques. T'as vraiment les modes de jeu, t'as un panel de modes de jeu, en fait, qui est vraiment... où ils sont inspirés de plein d'autres jeux pour proposer quelque chose de vraiment complet. Cette fois-ci, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Donc, moi, c'est mon ressenti. Hein. C'est mon Call-off. Mais bon, moi, tu veux Call-off? Je craque sur Call-off quand même, hein, même que si j'y joue des fois que deux semaines. Que du qui? C'est Call-off, mais voilà, je joue quand tout ça Call-off. Quand vous voulez. Ah oui, quand vous voulez. Bien entendu. C'est facile. Et toi, Laurent? Eh ben, je plat, rien. Après, ça se comprend avec le site. Avec tout ça, là en ce moment, non, il y a rien qui m'a vraiment emballé. Le truc que je lorne du coin de l'œil, bah, c'est toujours Joey et Ellie The Last of Us 2, que j'avais adoré le 1. Mais c'est vrai que, avec toutes ces années, je suis clairement passé du côté obscur, à savoir jouer exclusivement en VR, parce que les jeux plats me font de moins en moins vibrer. Donc c'est personnel, hein, mais c'est vrai que même on parlait tout à l'heure de jeux PC, Hellblade en version FPS troisième personne, et ben voilà, un truc comme ça en VR, ça me suffit. C'est ce que je recherche maintenant. Ça marche. Voilà. Ok. Donc après, certainement que des jeux plats, il y en aura d'autres qui passeront. C'est un autre débat. Hein. mais il y en a de moins en moins qui m'intéressent. Un vaste débat en tout cas. Mmh. Donc, vous pouvez nous retrouver et nous dire surtout ce que vous en pensez sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer. Et puis on vous remercie de nous... Et attention sur le nouveau forum de Vert4Player aussi. Vous pouvez venir directement dessus. Laurent, donc, comme vous savez tous, on s'est fait méchamment tacler sur Facebook. À savoir qu'il y a certaines personnes qui nous ont qui se sont amusées à nous à faire des signalements sur Facebook. Donc du coup les robots de Facebook nous ont bloqué non seulement le groupe, ont fermé le groupe, mais également ont bloqué la page. Donc à savoir on peut plus partager aucun lien de VR4Player sur Facebook. Ce qui a engendré la création d'un forum pour essayer de réunir quelques joueurs qui veulent discuter de VR, de PSVR et de VR sur le forum. Donc vous êtes tous bienvenus de créer votre compte si vous ne l'avez pas déjà créé, et puis de venir nous laisser vos petits messages, vos petits commentaires sur le forum. Voilà. Donc, venez, on vous aime. Et puis gros bisous à tous. À bientôt tout le monde. Et puis à bientôt. Ciao. À bientôt. Allez, ciao. Ouais. J'essaye. Salut tout le monde, c'est Saïd. Oh là. Tu n'es pas gros. Tu n'es pas gros à ce moment-là, c'est ça. Putain, ça va. Ça sera parti, ça sera bon. Mais putain, l'afro, c'est chaud, quoi. Je peux faire du nettoyage. Un petit coup de sauce à ça. Salut tout le monde, c'est Seigneur de VR4Player. Bienvenue à la 24ème émission. C'est le niveau du 24. Ouais, c'est le 24, c'est la 24ème. 4ème. 24ème. La 24ème. Putain, j'ai de l'eau qui est montée dans le nez. Je vais mourir. Putain. Ah, je fous du dos partout. Désolé. Le pire, c'est que j'ai la deuxième fois. Alors ne bois pas quand il démarre. Bois après. Ah ouais. C'était pas stratégique. Salut tout le monde, comment je m'appelle? Salut tout le monde, j'ai plus mon prénom. Salut tout le monde, c'est ça, et bienvenue à la 24ème émission des podcasts de VR4Player, et on va discuter de temps en temps. Et ça y est, bienvenue à la 24ème émission. Voilà, c'est du porno. Ah ouais, mais... Salut. C'est du porno, là. Salut bébé. Salut, c'est ça y est. On voit ça y aussi, c'est Tu veux flirter avec ta voisine? Envoie voisine 69-69. C'est ça. Dis-le plus proche du micro, comme ça. Pardon. Tu veux flirter avec ton voisin? Envoie Gourdin. 36-15, Gourdin. Foutez-vous de ma gueule, bande de con. Mais essaye de faire un trou propre. Ok, bah, je la ferme si tu veux. Salut tout le monde, c'est Sei. Salut tout le monde, c'est Spank. Et on se retrouve pour la 24ème émission autour d'un verre. Salut tout le monde, c'est Spank, c'est Laurent. Et Sei est incapable de faire le lancement ce soir, donc on le fait à sa place. Et bienvenue à la 24ème émission de VR4Player. Merde, c'est pas VR4Player. VR4Player. Autour d'un verre. Bonjour. Salut tout le monde, c'est Sei. Bienvenue à la 24ème émission des podcasts de VR4Player. Allez, je vais y arriver. Ah ouais, c'est, finalement, c'est peut-être... C'est marrant aussi, hein. C'est marrant. Salut. Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Saïd. Bienvenue à la 24e émission des podcasts de Ferf. Putain, non, c'est Laurent qui a rigolé. Non, mais j'arrête de rire, moi j'ai rien. Terminé. Où tu es? Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 24e émission. On dit. Ouais, salut. Salut, ça va? Ouais, c'est compliqué. C'est pas grave, dès que t'as fini cette phrase, après on est parti. Mais je sais en plus, c'est pire. C'est l'intro quoi. Comment c'est l'intro, c'est trop compliqué. Gomblinger. Faut que je pense à un truc triste en fait. C'est... Tu veux qu'on sorte? Bah, c'est plus simple. Mais ouais. Attends. Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 24e émission. Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 24e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. C'était un peu érodé sur ça. C'était lent, mais c'était bien. Non, c'est enfin, mieux, mieux que ça. Ouais, s'il te plaît. Non, c'était déjà sur la... Je ferme les yeux, je me concentre, hein, putain. Ta gueule. C'est bon. Ça y est, on est dans un... Attends. Non, j'ai entendu non, dans le micro, mon gars. Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 24e émission des... C'est la 24e, et si on faisait la 25e. 24, c'est chaud, hein. 24e, on l'enregistre. Tu veux pas la faire demain, l'intro? Non, c'est du live. C'est pas l'émission. Sinon, tu peux faire une transition, tu vois, c'est Cyril qui apprend. Bon, allez, cette fois-ci, je laisse la place à Saïd. Oh, alors... Ou tu peux dire Cyril, c'est ou on le fait tous ensemble, ça peut être sympa. La 24e, hein, on écrit un truc, on le dit tous ensemble, ouais. Ça peut être sympa. Allez, qu'on est tous ensemble, c'est pour parti. De vrai. Ça, on y va, c'est parti, c'est la bonne. Bon. Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 24e. C'est la bonne. Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 24e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter. Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 24e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. T'avais l'air dépité. On a fait pire, hein. Non, mais je pense qu'elle est pas mal. Au pire, je la reprendrai demain matin. Oui, mais oui. Je ferai une page dessus. Oui, c'est pas faux. On est pas mal. Allez, émission, maintenant, c'est parti. Allez, c'est parti. Et pour cette nouvelle émission. À chaque relance. Une fois ça parti, ce sera vraiment... La même émission. Demain il va refaire toutes ses relances.